FAB. La daronne m'a élevé pauvre, mais moi je la suis avec honneur. Posé avec elle à l'arrêt de bus, à la recherche du bonheur. Femme enceinte, père courageux, préfère prendre la fuite. Je verse une larme quand j'écris la suite. Quand je plonge dans ce thème, je suis pas dans l'inconnu. Cicatrice, césarienne, poussette, transport en commun. Le paradis c'est sous son pied, marche pas sur ses sentiments. Le thème c'est femme seule, mais y'en a tout un régiment. D'après les soldats les plus forts du monde, une mère c'est très brave, voulait meubler ton cœur de sentiments. Mais la pièce est trop vaste. J'aimerais lui tendre la main, lui dire tout est fini. Elle pleure la nuit, elle me le dit pas, mais son coussin est trop humide. Quand j'écris ce refrain, là c'est personnel. Quand je parle de la daronne, là ça devient personnel. Je voulais quitter son nid, mais je peux pas voler sans elle. Quand je rentre tard la nuit, elle trop plus sommeil. Quand j'écris ce refrain, là c'est personnel. Quand je parle de la daronne, là ça devient personnel. Je voulais quitter son nid, mais je peux pas voler sans elle. Quand je rentre tard la nuit, elle trop plus sommeil. La nuit je regarde le monde, j'y vois plus clair. Quand les anges nous rejoignent, je voulais faire vivre ses rêves, mais pas sans elle. À ceux qui ont perdu tes parents, isolés ou sur les nerfs. Une blessure pour ton mariage, une tristesse pour les fêtes des mères. Un silence mortuaire, j'entends les veines qui s'ouvrent. On se bat plus contre la mort, est-ce que la vie en vaut le coup? Une famille qui se déchire, moi je suis qu'un môme. Mon fils serait trop présent parce que grand-père a trop fait le fantôme. Il brûle des photos, devenu adulte trop d'eau. Poésie du divorce, dis que là moi je te ferai un sans faute. Des embrouilles sanglantes, la petite sort en sanglots. Moi j'écris un single, mais je finirai cinglé. À cause de ce thème, certains sont dans la tise. Le regard vitreux, j'ai peur que ma famille se brise. Quand j'écris ce refrain, là c'est personnel. Quand je parle de la daronne, là ça devient personnel. Je voulais quitter son nid, mais je peux pas voler sans elle. Quand je rentre tard la nuit, elle trop plus sommeil. Quand j'écris ce refrain, là c'est personnel. Quand je parle de la daronne, là ça devient personnel. Je voulais quitter son nid, mais je peux pas voler sans elle. Quand je rentre tard la nuit, elle trop plus sommeil. La nuit je regarde le monde, j'y vois plus clair. Quand les anges nous rejoignent, je voulais faire vivre ses rêves, mais pas sans elle. La nuit je regarde le monde, j'y vois plus clair. Quand les anges nous rejoignent, je voulais faire vivre ses rêves, mais pas sans elle. Regarde le monde, j'y vois plus clair. Quand les anges nous rejoignent, je voulais faire vivre ses rêves, mais pas sans elle.